La dance music, c'est fantastique. Bon, on va attendre le prochain truc là pour. La dance music, c'est fantastique. La dance music, Ace of Base. Welcome to the party. Non, c'est beuvry. Regarde, attends. Elle a moucheté, la mouche. Elle a moucheté, en bouche. En crée. Elle a chaillé, la mouche. C'est le prix de moustique. J'ai gagné DJ Fourax. T'as déjà Fourax? Et... Tapez ta mouche. Tu pratiques? Hein? Est-ce que tu pratiques? Est-ce que t'as une tapette à moucht? Parce que c'est bien pratique. Bah c'est... Tu pratiques ou quoi là? Hein? T'as une tapette? Ah mouche. Ah bah j'étais sûr. Oh putain, il est encore là, je le vois, il revient. Il revient. Le cuillère. Le cuillère. Le crouton. Le crouton, tout sec, tout fripé, tout sec. C'est le crouton. C'est le crouton, ton, Crouton. C'est le crouton. Vieux crouton.